prisonnier de glace. Et l'avenir lasse. On va tourner la place. Jusque là en face. Des lieux et des traces. Tout ce qui nous casse. Un autre siècle passe. Papa, tu peux pas.